449, Role-Playing and Reinvention of the Story. Listen to the example in the recording. Voyons, nous allons apprendre le français. Non, Fido, nous n'allons pas apprendre l'anglais. Nous allons apprendre le français. Non, non, non, Fido, nous n'allons pas apprendre l'italien. C'est Mireille qui va apprendre l'italien. Nous, nous allons apprendre le français. Et pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Un roman. Un film? Bon, d'accord. Ça va être un film. Et dans le film, nous allons avoir une jeune fille et... un chien. Oui, d'accord. Nous allons avoir un chien et une jeune fille. Très bien. Moi, je vais être la jeune fille. Mais oui, bien sûr. Toi, tu vas être le chien. Ah non, c'est moi qui vais être la jeune fille. Et c'est toi qui vas être le chien. Bon, alors nous allons aller en France. Pourquoi? Mais parce que ça va être utile pour apprendre le français. Ça va être utile et amusant. Nous allons aller à Paris. Nous allons arriver à l'aéroport. Nous allons passer la police. Mais oui, tu vas avoir un passeport. Tu vas avoir un passeport chinois, ou danois, ou mexicain, ou afghan. Nous allons passer la douane. Le douanier va dire, vous êtes français tous les deux? Je vais dire, non, moi je suis japonaise, et lui, il est danois. Le douanier va dire, ah, vous parlez japonais? Et je vais dire, oui, bien sûr, puisque je suis japonaise. Le douanier va dire, bon, passez. Et voilà, nous allons prendre un taxi et nous allons arriver à Paris. Copyright 1994, Yale University.